3, 4. Oh les méchants. Oh les méchants. Allez, faites un effort. Arrêtez les morts. De stopper les tortures. Ne défoncez pas ma tête contre les murs. Oh les méchants. Oh les méchants. Pourquoi vous êtes si méchants? Vous faisiez peut-être battre par vos parents. Vous devriez peut-être dire Freud plutôt que d'en faire des fiscales de Freud. Freud fiscal, c'est un jeu de mots. Oh les méchants. Oh les méchants. En plus vous êtes tout pâle. Vous êtes obsédé par le mal. Vous avez une haleine de chacal et plein de trucs qui riment en hâle. Oh les méchants. Oh les méchants. Allez, faites un effort. Arrêtez les morts. Stoppez les tortures. Ne défoncez plus ma tête contre les murs. Oh les méchants. Oh les méchants. Si vous étiez plus gentils, on aurait la belle vie. On pourrait sauver le monde. Offrir une retraite à James Bond. Oh les méchants. Si vous arrêtiez les imperméables ouverts devant les écoliers, quand ils sortent à 4 heures, ce serait le bonheur. Passage gospel, oh les méchants, les méchants, les méchants, les méchants, les méchants, les méchants, les méchants, les méchants, les méchants, les méchants, les méchants, les méchants, les méchants, les méchants, les méchants, les méchants, les méchants, les méchants, les méchants. Oh les méchants. Allez, faites un effort. Arrêtez les morts. Stoppez les tortures. Défoncez par la tête contre les murs. Oh les méchants. J'ai perdu mon plectre dans le pogo, alors si vous retrouvez un petit machin bleu, bon ouais, ça marche aussi. Ah voilà, c'est celui-là. Tiens. Là, c'est le passage valse. Fais gaffe. Alors tous ceux qui ont promis de valser, ben ils se reconnaîtront. Et ceux qui n'ont pas promis de valser, ben ils vont le faire quand même. Alors allez-y, faites-le entre hommes, entre femmes, de toute façon, ici on est très libre. Allez-y, valsez les amis.